إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer le cours, je voudrais rappeler un bon comportement du talib ilm, c'est d'être proche de l'enseignant et de faire face à l'enseignant et d'être regroupé autour de l'enseignant. On est arrivé donc dans le cadre de l'explication des recommandations de Luqman, sauf pour les frères évidemment qui ont un problème de dos, qui sont fatigués, on sait que la journée a été longue, ils peuvent rester contre les piliers et les murs, là il n'y a pas de problème évidemment, d'accord ? Ils ont un oudr, inshallah. D'accord ? Donc, on avait déjà vu 11 bénéfices, parmi les 50 qu'on est censé faire ce week-end. Parmi les bénéfices tirés par Cheikh Abdelrazzaq al-Badr al-Abbad hafidahullah ta'ala, des recommandations de Luqman, ou plutôt des recommandations de Luqman le sage à son fils. Et on entre directement dans le 12e bénéfice, al-fa'idatu thaniyatu 'ashar, mura'atu al-awlawiyat fi ad-da'wati ila Allah. Wa hada yanbaghi an yatanabbahu lahu an yatanabbaha lahu al-aba'u wal-murabbuna wad-du'atu ila Allah 'azza wa jalla. عندما يدعون الناس إلى الخير يبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية حتى في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال نبدأ أولا بغرس الاعتقاد الصحيح والإيمان النافع ثم بعد ذلك يعلمون العبادات والآداب والأخلاق ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى سيئن رواية دوس حديث أخرج البخاري ومسلم فهو متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا ما فعله لقمان الحكيم لما أراد أن يوصي ابنه بجملة من الوصايا النافعة يحتاج أن يوصى بها ويدعى إليها يحتاج أن يوصى بها ويدعى إليها بدأها بقوله يا بني لا تشرك بالله مراعاة للأولويات. Donc le douzième bénéfice ici, après les 11 premiers qu'on a vus ces deux derniers jours, eh bien, Cheikh Abdelrazzaq al-Badr hafidahullah ta'ala, il dit la prise en considération des priorités dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Il faut que les parents et les éducateurs et les prêcheurs fassent attention à cela lorsqu'ils appellent les gens au bien. Il faut commencer par ce qui est important avant ce qui l'est moins. Et ça rejoint une discussion que j'ai eue avec certains frères après Salat al-Fajr aujourd'hui. Il faut commencer par ce qui est important avant ce qui l'est moins. Et ce même dans l'éducation des enfants et la formation des générations. Nous commençons d'abord par planter la croyance correcte et la foi bénéfique. Et ensuite, on leur enseigne les actes d'adoration, les bons comportements et les bienséances. C'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, vers où il l'a envoyé, ikhwa? Au Yémen. Il lui dit, tu vas vers des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit que tu les appelles à vouer une adoration exclusive à Allah, le Très-Haut. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans le fait de commencer par ce qui passe en premier? Et regardez comment il lui a décrit, alayhi salatu wassalam, la situation des gens avec qui, à qui il va faire da'wah. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen, dans Sharh Kitab Tawhid, un petit point en passant, il dit qu'il faut plusieurs conditions pour faire parler d'une mis'ala à quelqu'un. Il faut première chose, hal al-mad'ou, connaître la situation de la personne à qui tu fais la da'wah. Et puis, il faut évidemment connaître le hukm shar'i de la chose à laquelle tu vas l'appeler. Et aussi, at-tariq al-munsil ila al-mad'ou. C'est-à-dire que tu connais la situation du mad'ou, de celui à qui tu fais l'appel, tu sais à quoi tu l'appelles, ça c'est la science de ce point-là, eh bien il te reste à savoir la voie que tu vas suivre pour, le chemin que tu vas prendre pour arriver à faire passer cela à la personne que tu appelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle en général chez les ulama, fiqh da'wa. Comment faire la da'wa? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit, tu vas vers des gens du livre. Regardez la description. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit que tu les appelles à vouer une adoration exclusive à Allah, le Très-Haut. Et c'est ce qu'a fait Luqman, le sage, lorsqu'il a voulu faire une série de recommandations bénéfiques à son fils dont il avait besoin. Il les a commencé par quoi, ya ikhwa, on l'a dit ce matin? Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Pourquoi il a commencé par le plus important, c'est quoi? At-tawhid. Petite faïda que je vous donne dans Usul Tafsir. C'est quand il y a une interdiction de quelque chose, ça implique quoi, ici, dans ce verset? Eh bien, l'obligation de son contraire. Et l'interdiction du shirk, donc c'est quoi? L'obligation d'être sur le tawhid. Traduction du sens, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Et ceci par prise en considération des quoi on a dit, et c'est le mot clé ici de ce douzième bénéfice, des priorités. En arabe, al-awlawiyat. Je sais que j'ai l'habitude un peu de vous interroger, de vous donner des cadeaux, on va avancer un petit peu parce que il y a des frères qui ont beaucoup aimé ces bénéfices, ils m'ont demandé d'essayer de terminer. Gentiment. Ils m'ont motivé un petit peu, de manière très polie, pour essayer de les terminer ce week-end. Le 13e bénéfice. Al-fa'idatu thalithatu ashar. Inna shirka a'azamu dhunubi wa akhtaruha wa hu a'azamu manaha Allahu tabaraka wa ta'ala anhu wa hada mustafadun min bad'i luqmana al-hakim bihi muhadhiran min akhtari l'umur wa hada huwa sabilu nasihin عندما ينهى عن أمور خطيرة يبدأ بأشدها خطرا ولهذا بدأ لقمان الحكيم بنهي ابنه عن الشرك ويلاحظ في هذا السياق المبارك أنه نهاه عن أمور عديدة نهاه عن الكبر وعن الغرور وعن الخيلاء لكن أول ما بدأ بنهيه عنه الشرك بالله فدل ذلك على أن الشرك أخطر الأمور وأشدها. Darara. On a fini avec ça, le 13e bénéfice. Donc le 13e bénéfice, c'est quoi? C'est l'association à Allah Azza wa Jal, le fait que l'association à Allah Azza wa Jal, donner des associés à Allah Azza wa Jal, eh bien c'est quoi? C'est le plus grave des péchés. Et le plus dangereux. Et c'est la chose la plus grave qu'Allah nous ait interdite. Ceci est pris du fait, comment se comprend ici? Waj l'istidlal. Eh bien, c'est par quoi il a commencé, Luqman? Par interdire le shirk. Ça prouve bien que c'est ce qui est le plus grave. Ceci est pris du fait que Luqman a commencé par cela en mettant en garde contre la plus dangereuse des affaires. Et ceci est la voie à suivre par ceux qui conseillent lorsqu'ils veulent interdire des choses dangereuses. C'est qu'ils commencent par la plus grave de ces choses. C'est pour cette raison que Luqman, le sage, a commencé par interdire à son fils de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. On remarque dans ce passage béni qu'il lui a interdit un certain nombre de choses. Ya bunayya la tushrik billah. Et puis la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. L'orgueil aussi, la prétention, ça c'est une nasiha pour qu'on recadre les choses, hein, et qu'on apprenne un peu à être modeste. Vous allez voir que Cheikh Abd al-Razzaq, il va rapporter des paroles fortes, et Cheikh Rabi aussi, je vais rapporter une parole forte qui calme un peu, hein, qui nous fait connaître notre, hein, notre vraie valeur, et qu'on ne se prenne pas pour plus que ce qu'on est. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et l'arrogance également, mais il a commencé en lui interdisant de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci indique que l'association à Allah est la plus grave des affaires et la plus nuisible. Allez vite, Annie. Suleiman, tu sais prendre quelques petits cadeaux là, pas pour toi, hein, pour... pas les grands volumes, hein, juste les livres là. Et, hein, ouais. Et un parfum là, tout ça là, tu vois. Qui sait me rapporter le deuxième bénéfice, de préférence, s'il vous plaît, parmi les frères qui n'étaient pas là avant ou qui n'ont pas reçu encore de cadeaux, par les nouveaux et, hein. C'est quoi le deuxième bénéfice qu'on a vu aujourd'hui? C'est le premier d'aujourd'hui, en fait, en tout cas de ce cours-ci. T'as reçu un cadeau, toi? Non? Vas-y, elle. Tfadal, Driss, elle. Ahsant, oh, beloved. Riwaya, beloved. Hein? Ahsant, tfadal. Qui sait me rapporter le 13e bénéfice? C'est celui qu'on vient de voir. Parmi les frères, encore une fois, de préférence, qui n'ont pas encore reçu de cadeau. On sait, hein? Le 13e. T'es pas loin, mais... T'as reçu un cadeau, toi? Non? Vas-y. C'est juste. Donc il a dit, le frère, que l'association, c'est quoi la chose la... Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer le cours, je voudrais rappeler un bon comportement du talib ilm, c'est d'être proche de l'enseignant et de faire face à l'enseignant et d'être regroupé autour de l'enseignant. On était arrivé donc dans le cadre de l'explication des recommandations de Luqman, sauf pour les frères évidemment qui ont un problème de dos, qui sont fatigués, on sait que la journée a été longue, ils peuvent rester contre les piliers et les murs, là il n'y a pas de problème évidemment, d'accord? Ils ont un oudr, inshallah, d'accord? Donc, on avait déjà vu 11 bénéfices, parmi les 50 qu'on est censé faire ce week-end. Parmi les bénéfices tirés par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr al-Abbad hafidahullah ta'ala, des recommandations de Luqman, ou plutôt des recommandations de Luqman le sage à son fils. Et on entre directement dans le 12e bénéfice, al-fa'idatu thaniyatu 'ashar, mura'atu al-awlawiyat fi ad-da'wati ila Allah. Wa hadha yanbaghi an yatanabbahu lahu

Hein ? Quand on va le chercher, hein ? On commence directement le 14e bénéfice. الفائدة الرابعة عشر أهمية تنشئة الأبناء من الصغر على التوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك وهذا أيضا مستفاد من هذه الوصية يا بني لا تشرك بالله فيحتاج الأبناء من الصغر أن يحذروا من الشرك وأن يدعوا إلى التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى وإذا لقن الابن التوحيد من بداية نشأته ينفعه ذلك بإذن الله تعالى نفعا عظيما. N'écoutez pas les gens qui vous disent mais laisse-le, il est petit, hein, mazal sghir, laisse-le, hein. Non, non, depuis qu'ils sont le plus jeune âge, il faut leur donner ça, il faut enraciner ça en eux, hein. Le tawhid, l'obligation du tawhid et l'interdiction, la mise en garde du shirk. ولهذا كان من الحكمة في تسمية الأبناء. Et c'est un hadith que je pense tous vous connaissez. C'est quoi les deux meilleurs noms? Abdullah Abdurrahman. Est-ce qu'on a déjà pensé pourquoi? La réponse elle est là. ولهذا كان من الحكمة في تسمية الأبناء بعبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وصححه كذلك شيخ ناصر في الصحيحة أن ينشأ الابن على التوحيد. وينشأ وهو يعرف أنه عبد لله وليس عبدا للهوى ولا عبدا للدنيا ولا عبدا للشيطان ولا عبدا لحظوظ النفس وإنما عبد لله تبارك وتعالى فينشأ الناشئة على أصول الإيمان وأسس العقيدة وهو الأساس الذي يقام عليه بناء الدين يؤسس عليه الملة وتقوم عليه الديانة فلا تقوم الديانة ولا تستقيم الملة إلا على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. 14e bénéfice tiré de ces recommandations de Luqman le sage à son fils. L'importance d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge à l'unicité au tawhid et à la sincérité, l'ikhlas, et à se tenir à l'écart de l'association, se tenir à l'écart. Et ceci est pris aussi de cette recommandation. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah Azza wa Jal. Les enfants se doivent donc être mis en garde contre l'association dès le plus jeune âge et d'être appelés à l'unicité et la sincérité envers Allah le Très-Haut. Hein, c'est pour ça, nasiha que je vous donne, ya ikhwa wa akhawat, c'est quand vous parlez à vos enfants, ne les éduquez pas à avoir peur de vous. Éduquez-les à avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il a peur de toi, quand tu ne seras pas là, il va le faire. Quand il est petit, dis-lui, Allah, il te regarde, Allah, il te voit, Allah, il entend tout, Allah, il voit tout, Allah, il sait, subhanahu wa ta'ala, hein, ce que tu fais. Et tu sais, après, on va où, au paradis ou en enfer? Attention. Hein? C'est comme ça que l'enfant grandit sur la crainte d'Allah, azza wa jal, hein? Et qu'il a alors l'habitude de qui? De craindre de quoi? De craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que même quand il est tout seul, il craint Allah, il ne va pas faire des choses interdite. D'accord ? Les enfants se doivent donc être mis en garde contre l'association dès le plus jeune âge et d'être rappelés à l'unicité et la sincérité envers Allah le Très-Haut. Si on inculque l'unicité à l'enfant dès le début de son éducation, cela lui sera très bénéfique avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il fait partie de la sagesse de nommer les enfants, comme on a dit comment ? Abdurrahman et Abdullah. Car Abdullah et Abdurrahman, comme c'était rapporté dans le hadith, les meilleurs des noms sont Abdullah et Abdurrahman. Rapporté par Ahmed, je vous donne les références, 17606 dans le Musnad. Et le Hakim, quand on dit rien, c'est toujours dans le Mustadrak, volume 4, page 276, qui l'ont authentifié, et Al-Dhahabi, qui est un grand savant du hadith également, était d'accord quant à cette authentification. Voir si c'est la hadith sahiha. Hein, je vous ai dit pour les frères qui étaient là déjà là, il est dans le fond de la mosquée si vous voulez jeter un coup d'œil après. Et j'ai encore une fois, c'est comme ça que le talib ilm il se forme. On en les voit dans les sources. Hein, numéro 904. Et ceci afin que l'enfant grandisse sur l'unicité. Qu'il grandisse en sachant qu'il est un serviteur d'Allah. Et pas un esclave de la passion. Ni d'un esclave de ce bas monde. ni un serviteur de Satan, ni un esclave des plaisirs, mais plutôt quoi? Un serviteur d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Les générations grandissent donc sur les fondements de la foi et les bases de la croyance. Et c'est la base sur laquelle se construit la religion. La religion ne peut être établie et ne peut être dans sa rectitude qu'en se basant sur l'unicité et la sincérité Allah le Très-Haut. Qui sait me rapporter le 14e bénéfice parmi les frères qui n'ont pas encore répondu, qui n'ont pas encore eu de cadeau? Tadal. C'est juste, c'est quoi ta preuve? De ne pas de comprendre ça, de quoi, comme tu as dit, qu'on les éduque dès le plus. Le 15e bénéfice. الفائدة الخامسة عشر إن الشرك أظلم الظلم وأعظم الجرم وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه. شيخ ربيع dans un de ses livres qui est المحجة البيضاء il dit العدل الظلم. Il dit la même définition ici. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غِيْرِ مَوْضِعِهِ وَالْعَدْلِ الْحُكْمُ بِالْحَقِّ وَأَيُّ ظُلْمٍ أَشْنَعُ مِنْ أَنْ تُوْضَعَ الْعِبَادَةُ فِي غِيْرِ مَوْضِعِهَا بِأَنْ تُصْرَفَ لِمَخْلُوقٍ نَاقِصٍ عَاجِزٍ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. C'est pour ça que c'est un ظلم. وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَأَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا يَخْلُقُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ. Regardez les gens qui font le shirk, comment c'est des gens injustes. ثم يتجه بالعبادة لغيره ويرزقه الله ويتجه في طلبه للرزق إلى غيره ويشفيه الله ويتجه في طلب الشفاء إلى غيره فأي ظلم أعظم من هذا. Le 15e bénéfice, c'est donc quoi? C'est que l'association Allah subhanahu wa ta'ala est la plus injuste des injustices et le plus grand des crimes. Ceci est pris de la parole d'Allah. Inna shirka la dhulmun azim. La traduction du sens dit, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. L'injustice, c'est de ne pas placer la chose à sa bonne place. Et quelle injustice serait pire que de placer l'adoration autre qu'à sa bonne place? En la vouant cette adoration à une créature imparfaite, incapable, qui ne détient pour elle-même ni bénéfice ni tort, ni vie ni résurrection. Quel péché serait pire que celui-ci? Est-ce qu'il y a pire que ça? Non, bien sûr. Allah a créé l'être humain qui ensuite voue l'adoration à autre qu'Allah. Allah pourvoit ses besoins et lui donne le rizq. Et l'être humain se tourne vers autre qu'Allah pour lui demander le rizq, la subsistance. Allah le guérit et lui se tourne vers autre qu'Allah pour demander la guérison. Quelle injustice est plus grande que cela? Dit le shir en terminant. C'est un peu trop gros ça, non? 16e bénéfice. الفائده السادسه عشر حاجه المتعلم والمدعو الى معرفه ثمره الاوامر وخطوره النواهي ليتمكن من الامتثال فإذا ذكره الأمر احتاج أن يذكر له الفائدة والثمرة وإذا ذكر له النهي احتاج أن يذكر له العاقبة الوخيمة التي ينالها من دخل في هذا الطريق وهذا مستفاد من القصة في عدة مواضع. Ça c'est quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure, du quoi, du targhib et du tarhib en fait. 16e bénéfice. La nécessité qu'ont l'enseignant et l'élève de connaître les fruits des ordres et les dangers des interdits afin qu'ils soient à même de quoi? D'obéir. C'est-à-dire quelqu'un ne fait pas ça. Non, lui ne fait pas ça. Pourquoi? parce que c'est dangereux, Allah Azza wa Jalla interdit, tu connais le châtiment réservé à la personne qui va faire telle chose, etc. Hein? Évidemment, c'est ça, tu vas lui lier un point qui va l'aider à ne pas faire cette chose-là. Et le contraire, comme on a dit tout à l'heure, et comme l'a dit très bien notre Ammar hier aussi, c'est quoi? Eh bien, quand tu lui rapportes un point, il faut prier à Ré ou Urté, Kada. Pourquoi? Parce que voilà les fruits de la prière, voilà. Hein? Et Abu Hakim l'a cité une très belle liste hier dans la Jumu'ah d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Hein? Parmi la, qui s'en citer quelques-unes pour les frères qui comprennent l'anglais? Parmi les fawaid qu'il a cité de prier, la prière. Bien que ça, ça te donne la santé, ça te renforce ta santé. Ça te donne une lumière sur le visage. Et d'autres choses encore. Hein? Quoi? T'as dit quelque chose? Hein? Oui, exactement, ça te protège, Naam. Et Cheikh, il dit, si on lui rapporte l'ordre, on a la nécessité, pardon, de lui rapporter le bénéfice. Et le fruit de cela. Si on lui rapporte l'interdit, on a la nécessité de lui rapporter la conséquence fâcheuse que subira celui qui suit cette voie. Quand vous parlez à un enfant, ou même un adulte, il lui fait, tu vas aller le Jannah, voilà comment aller le Jannah, etc., etc. Bien fait ça. Hein? Et le contraire aussi. Est-ce que tu vas aller en enfer? Là, non, je veux pas. Hein? Mais faut pas faire ça. Hein? 17e bénéfice. Et le frère qui me rapportera les trois derniers qu'on a fait recevra un des grands livres ici. Inch'Allah. Al-fa'idat al-sabi'atu ashar. Les quatre derniers bénéfices. Al-wasiyatu bil-walidain. Ah, on arrive à ce que j'ai parlé, ça c'est important. Et là, hein, on reçoit beaucoup de plaintes des parents, hein, qui nous demandent de faire nasiha à certains frères. Hein? Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Un père qui téléphone, une mère qu'on connaît, qui dit la zik bikhir. Hein? Est-ce que tu peux faire nasiha? Hein? Ou bien quelqu'un qui vient qui me dit ouais, est-ce que tu peux pas faire nasiha tel frère parce que hein, il est salafi, voilà, que ses parents ne sont pas contents de lui. Hein? Et nous-mêmes, avant tout, qui peut prétendre ici? Hein? Qui peut prétendre ici qu'il est comme il faut avec ses parents? Qu'Allah nous pardonne, ya ikhwa. Qu'Allah nous récompense nos parents pour leur patience. Hein? Al-amr laysa bil hayyin. Wallah, quand vous pensez à ça, des fois, on a envie de pleurer, subhanallah. Hein? Yani celui qui a des parents encore en vie, yani qui prennent soin d'eux. Sarahatan. C'est jamais trop tard. Et s'ils sont morts, astaghfirullah azza wa jalla et faites dua pour eux. Et essayez d'être pieux pour que ça leur serve aussi. Bi-idhnillah. Alors là, maintenant, on va un peu... Parce que c'est un sujet très très important. Cheikh, il insiste beaucoup dessus. Hein? Cheikh Barramzan, par exemple, quand il va dans certains endroits, il fait toujours dua pour les parents des gens. Hein? Et vous voyez, subhanallah, Cheikh Fala Ismail, tous les chouras avec qui on s'est assis, etc., ils insistent tellement sur les parents. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Coran et la Sunna, c'est des savants. Hein? Yarhamukallah. Cheikh Fala Ismail, vous connaissez son amour pour son père, il est décédé il n'y a pas longtemps. Hein? Et il vivait avec lui dans la même maison, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, Cheikh Fala Ismail, ses enfants vivent avec lui, qui sont eux-mêmes adultes et qui ont des enfants, etc. Hein? C'est ça l'exemple à suivre, ya ikhwa. Et combien de frères que je connais très proches, ils m'ont dit, c'est ce shir-là qui m'a fait comprendre vis-à-vis de mes parents, et qui m'a fait que je suis revenu plus vers mes parents, et qui m'a fait goûter cette relation avec mes parents. Hmm? C'est ça aussi la baraka d'être avec les savants. Hmm? De la sunna. Al-wasiyatu bil-walidain birran wa ihsana wa ikraman wa ri'ayatan lil-huquq wa dhalika fi qawlihi ta'ala wa wassayna l'insana biwalidayhi hamalatu ummuh وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فالوصية بالوالدين لها شأن عظيم. Regardez le terme qu'il utilise, عظيم. والوصية تكون بالأمور العظيمة والوصية هنا من رب العالمين جل وعلا ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن قوله ووصينا الإنسان بوالديه جاء معترضا في أثناء ذكر الله وصية لقمان. Hein? Regardez, Luqman il parle à son fils. Ya bunay la tushrik billah. Et puis de nouveau, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Hein? C'est pour une raison. Regardez l'éloquence, yani le niveau du Coran. De la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est normal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Eh bien quoi? جاء معترضا في أثناء ذكر الله وصيتي وصية لقمان وصية منه جل وعلا بالوالدين إحسانا. فإذا من الفوائد العظيمة من هذا السياق المبارك الوصية بالوالدين ومعرفة حقهما والإحسان إليهما والبر بهما والقيام بحقوقهما. Si un frère qui me rapporte maintenant le nom de quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son éloge vis-à-vis des parents, je lui donne les deux livres. Tfaddal. Tfaddal. Ahsant. Tellement important que je lui donne les deux livres. Hein? Pour les frères qui veulent retourner à son histoire, retournez au livre de la Sunna. Tu peux le dire un peu à voix haute pour que les gens t'entendent, pour que... Étudier son histoire, magnifique histoire. Hein? Et d'ailleurs, Abu Khadija, il a fait une khutba ici sur les parents. Et il a cité cette histoire. Hein? Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de la personne. Il vivait à la même époque que qui? À la même époque que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Pourquoi? Ah, prenez soin de ses parents. De sa mère. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à son propos à Omar ibn Khattab? Hein, si tu le vois, Annie, demande-lui qu'il invoque pour toi, parce que ses invocations sont exaucées. Allahu Akbar. Hein? C'était le 16e qu'on faisait. Hein? 17e? 17e. Le commandement d'être obéissant, bon, respectueux, envers les parents, et de s'acquitter de leurs droits. Hein? Et que les enfants, ici, ils ouvrent un peu leurs oreilles. Ce n'est pas un cours pour adultes, ici, à Ikhwa. Hein? D'accord, les enfants, il faut ouvrir un peu vos oreilles, ouvrir vos cœurs, et il faut écouter. Parce que les enfants salafi, hein, ils appliquent le Coran, la Sunna. Et ils craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Hein? Le commandement d'être obéissant, bon, respectueux envers les parents et de s'acquitter de leurs droits. Il faut être gentil avec les parents. Et ceci dans la parole d'Allah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. La traduction du sens est: nous avons commandé à l'homme. L'homme ici, évidemment, c'est qui? C'est avec un grand H, c'est l'homme et la femme, bien sûr. Hein? La bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère. Et on va voir que plus tard, dans les bénéfices, les autres bénéfices qui arrivent, que Allah Azzawajal, il nous a donné les choses, il nous a montré les choses qui t'aident à être obéissant envers tes parents. Il y a des raisons pour lesquelles, qui font que tu dois être, et plus pour la mère que le père. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gentil avec le père, il ne faut pas être obéissant. Hein? Je vois les papas là qui... Non? Non, et ça veut dire que la mère plus encore. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu. À 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. La recommandation envers les parents est donc d'une grande importance. La recommandation ne se fait que pour les choses importantes. La recommandation ici vient de qui? Mon recommandation, elle est un peu faible en français d'ailleurs. Hein, c'est un ordre ici d'Allah Azza wa Jal. Je l'ai dit la réponse, c'est quoi? De le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Et c'est pour cela que plus d'un parmi les savants de l'exégèse du Coran ont dit au sujet de la parole d'Allah, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Que cette parole d'Allah apparaît au cours de la citation par Allah de recommandations de Luqman, et ce en guise de commandement d'Allah d'être bienfaisant envers les parents. Fait donc partie des très importants bénéfices tirés de ce passage béni, la recommandation envers les parents, la connaissance de leurs droits. Comment tu veux t'acquitter des droits si tu ne connais pas les droits de tes parents? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tu sais, nous on ne sait même pas ce qui est obligatoire, ce qui est mustahab et toutes ces choses-là, hein. Qu'est-ce qui est interdit envers les parents? Et on se dit bien que les parents, on se ment à nous-mêmes. leur obéissance et la bienfaisance à leur égard, ainsi que de s'acquitter de leurs droits. Alors, question pour les enfants. Comment il faut être avec les parents? Vas-y, tfaddal. Gentil, ça veut dire quoi? Tu fais des sourires et c'est tout? Faut écouter. Écouter, ça veut dire quoi? T'écoutes et puis tu fais pas ce qu'ils disent? Ah, c'est Ahsan. Je te donnerai un petit cadeau après, Inch'Allah. Ça va? D'accord? C'est très bien. Le 18e bénéfice. Al-fa'idatu thaminatu ashar. Regardez, le Cheikh Abd al-Razzaq, le fiqh. Min a'dami al-umur al-mu'inati 'ala al-birr bil-walidayn. تذكر الجميل السابق والإحسان المتلاحق فهذا يعين الإنسان على البر ويجعله يبتعد عن العقوق والقطيعة وتأمل هذا في قوله ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. D'ailleurs, il y a beaucoup de frères et surtout des sœurs qui comprennent ça que quand eux-mêmes ils ont un enfant. Hein? Combien de sœurs elles ont fait tauba hein, quand elles étaient en train d'accoucher? Quand elles étaient en travail, en labeur hein? Beaucoup ont le réflexe de prendre leur portable, le téléphone vite à la mère, lui demander pardon. Ça, oh là là, hein? Ou bien pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que là, on comprend. Et quand on est papa, hein, quand on est au travail le matin, et que le petit fait passer nuit, etc. Là, on comprend aussi. Hein, hein je... Je vais me taire. Aïe, tadakkar, aïe, al-ibn, ma hasala min ummika, min umumatin, wa hamlin, wa radaatin, wa tarbiyatin, fatadakkar al-haml, wa auja'ahu, wa at'abahu, wa al-muddata at-tawilati allati qadaytaha fi rahimi ummik, thiqalun tahmiluhu fi batniha, 9 أشهر ومعاناة عند القيام والقعود وعند النوم ثم الوضع وشدته وما تعانيه الأم عند الولادة حتى خرجت إلى هذه الحياة ثم الرضاعة وما يكتنفها من أتعاب وأوجاع وسهر وتعب كل هذا جميل ينبغي أن لا ينسى وأن لا يغيب عن الذهن. C'est quoi donc le 18e bénéfice? C'est fait partie des choses qui aident le plus à être obéissant envers les parents, de se rappeler leur bienfaisance envers nous, passé et futur. Ceci aide l'individu à être obéissant. Hein, les enfants, faut écouter ça. Hein, la fatigue des parents, tout ce qui, hein, qu'ils font pour nous, etc. Sans de se rappeler ça. Parce que des fois, on prend ça pour hein, acquis. Je veux ça, je l'ai, khlas. Pourquoi c'est pas grave? Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Fait partie des choses qui aident le plus à être obéissant envers les parents, de se rappeler leur bienfaisance envers nous, passé et futur. Ceci aide l'individu à être obéissant et fait qu'il se tient à l'écart de leur désobéissance et de couper les liens avec eux. Médite cela dans la parole d'Allah. « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَّلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. » La traduction du sens du verset. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui, peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. C'est-à-dire, rappelle-toi, l'enfant, ce que ta mère a enduré lors de sa grossesse, de sa maternité, de l'allaitement et de l'éducation. Hein? Et même les frères avaient des grandes barbes jusque-là. Ta mère te voit toujours comme un bébé. Hein? Tu peux avoir une grande barbe jusque-là, tu portes le blé, etc. Ta mère, elle ne dort pas. Elle est sur le sofa en train d'attendre hein, que tu rentres la nuit, etc. Quand tu pars à Salat al-Fajr, elle est inquiète pour toi. Hein? Tabarakallah, si tu es un homme, un grand cousu, etc., elle te voit comme un enfant, toujours. Regardez le hanana des mères. Hein? Elle te téléphone, elle te demande comment tu veux. Même si toi, tu as déjà des enfants encore, etc. Elle te demande, hein? Elle te téléphone. Et quand elle vient te visiter, elle te dit « Non, t'habilles pas comme ça, il fait froid, etc. Hein? » C'est vrai ou pas? Il faut se calmer un peu les froids. Il faut craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas trop tard. Avant qu'on rencontre Allah, azza wa jalla, avec cette kabira là de l'uquq al-walidain. Iyadan billah min dalik. Rappelle-toi la grossesse avec ses douleurs et ses fatigues. La longue période que tu as passée dans le ventre de ta mère. Un poids qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois. Imagine-toi 9 mois. Hein? 9 mois. Nous, les hommes, on ne peut pas comprendre ça. On le voit, on le sent, etc. Mais on ne le sent pas directement. Les sœurs, elles vont comprendre. La difficulté de se lever et au moment de dormir. Puis l'accouchement et sa difficulté. Et ce que la mère endure. Lors de l'accouchement, jusqu'à ce que tu arrives dans ce monde. Puis ensuite l'allaitement, ce qui l'accompagne comme fatigue et douleur et insomnie. Tout ceci est une bienfaisance qui ne doit pas être oubliée et qu'il faut garder à l'esprit. Et, attention, que Shaitan ne vient pas avec une choubha, ma mère elle n'est pas musulmane. Attention, ikhwa. On va voir ça dans les bénéfices qui arrivent, inshallah. Taqillah fi ummik. Ikhwa wa akhawati, taqullah azza jal fi al-walidain. Le 19e bénéfice. الفائدة التاسعة عشر أن من الأمور المعينة أيضا على البر تذكر المصير. Regardez encore une fois comment les salaf ou plutôt les salafis, les gens de la sunna, et quoi, il est toujours toi l'aqida. Il est toujours toi l'aqida. Regardez la fin du verset. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. Vers moi tu vas retourner. Vous voyez ce qui va vous aider à vous rappeler de craindre Allah Azza wa Jalla avec les parents, hein, et qui va nous rappeler à nous tous d'ailleurs. Tu retournes vers Allah, n'oublie jamais ça. On retourne tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. فتذكر فيتذكر البار بوالديه أنه سيرجع إلى الله ويلاقي في ثواب إحسانه وبره فيزداد برا وإحسانا برا وإحسانا ويتذكر العاق أنه سيرجع إلى الله ويلاقي عقوبة عقوقه فيرتدع عن لؤمه وعقوقه. Donc le 19e bénéfice c'est quoi? Parmi les choses qui aident également à l'obéissance, c'est de se rappeler le retour à Allah. Celui qui obéit à ses parents se rappelle qu'il va retourner à Allah. Ici, je parle aux enfants aussi, hein. Parce que je vois qu'il y en a qui commencent, il y en a certains qui commencent à être distraits. Les enfants aussi, il ne faut pas croire que parce que vous êtes jeunes, hein. Vous allez, on va tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah, Rabbil Alamin, hein? Si on n'est pas gentil avec les parents et qu'on n'écoute pas les parents, hein. Qui aimerait? Répondez, les enfants. Est-ce que vous aimeriez être devant Allah et vous avez été méchant avec vos parents? Non, vous dites tous non. Eh bien, il faut faire en fonction. Il ne faut pas juste écouter par là et que ça sorte par là. D'accord? Celui qui obéit à ses parents se rappelle qu'il va retourner à Allah et qu'il va trouver la récompense pour sa bienfaisance et son obéissance. Cela augmente son obéissance et sa bienfaisance. Et celui qui est désobéissant à ses parents se rappelle qu'il va retourner à Allah. Hein? Quand tu te rappelles ça, ben je t'assure que tu vas vite prendre ton portable, tu vas vite téléphoner à ta mère, tu vas courir. Hein? Même s'il faut, tu vas ramper. Et tu vas l'embrasser ta mère sur son front, et ton père, et tu vas lui demander pardon. Eh bien, cela augmente son obéissance et sa bienfaisance. Et celui qui est désobéissant à ses parents se rappelle qu'il va retourner à Allah et trouver le châtiment pour sa désobéissance. Cela le pousse, voyez, encore une fois, tarhib, hein? Cela le pousse à s'abstenir d'être désobéissant. Rappelle-toi Ndar, rappelle-toi Yom Qiyama, rappelle-toi le Hisab, rappelle-toi l'Adab. Ça va te calmer. Le 20e bénéfice. Al-fa'idatu al-ishrun, azim haqq al-umm. Maintenant, on va parler de la mère en particulier. عظيم حق الأم وأنها أولى الناس بالبر وحسن المصاحبة وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله regardez les sahaba comment ils demandaient au prophète عليه الصلاة والسلام hein comment il fallait être ils demandaient ils cherchaient le haq من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم قال من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك combien de fois trois fois إخوة وأخوات قال ثم من قال ثم أبوك il a pas oublié le père عليه الصلاة والسلام attention le père aussi est là hein فذكر الأم ثلاث مرات لأن هي الأحق والأولى بحسن المصاحبة ولأن الإحسان الذي ناله الإبن من جهة الأم لم يقع له مثله ولا قريبا منه من غيرها ولهذا قال بعض العلماء إن في هذه الآية دليلا وشاهدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك Il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la Sunna. Au contraire, ça va ensemble. ووجه ذلك أن الله جل وعلا ذكر في هذا السياق للأم ثلاث مراتب في إحسانها للابن. Le verset, le hadith, il a cité combien de fois la mère? Trois fois. Regardez les trois ici dans le verset du Coran, de Surat Luqman. أولا الأمومة أمه. ثانيا الحمل حملته ثالثا الرضاعة وفصاله فهذه ثلاث مراتب من الأم لم تحصل لا من الأبي ولا من كافة من أحسن إلى هذا الابن ها vous allez voir que des fois on passe le temps dans des grecs à droite à gauche les restaurants cadac les frères la nuit elle passe etc et la mère miskina hein pas de nouvelles Alors que jamais, quoi qu'il fasse, ton frère en Allah Azza wa Jal, il pourra arriver à ce que ta mère l'a fait pour toi. Regardez comment on est injuste. Regardez comment on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, qu'il fasse parmi les gens qui donnent à chaque personne son droit. وهذا يقتضي رد الجميل والإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان وأن تكون أولى الناس بحسن المصاحبة لكن من المصائب العظيمة أن تجد بعض الناس يلقى من أمه هذا الإحسان الدائم والجميل المتواصل ثم تكون نهاية أن بره ولطفه وحسن صحبته يقدمها إلى الآخرين والله الشيخ صدق الذين لم يقدموا له عشر معشار ما قدمت له الأم ولا يعطي أمه من حسن مصاحبته شيئا وإن أعطاها أعطاها الفضلة والقليل أهكذا يكون رد الجميل والإحسان ومجازاة المحسنين ولهذا كان من أعظم الإثم وأشد اللؤم العقوق بالأم كيف يعق الإنسان أمه ويخير من قدم له معروفا وإحسانا وإكراما J'ai connu une mère, son fils, c'est un salafi, il est en prison. Il avait tué quelqu'un. J'avais une librairie avant, elle venait toujours chez moi, en pleurs. Elle venait faire quoi? Elle venait chercher des CD, des doros pour son fils. Elle faisait tout pour que les gardiens lui donnent. Regardez la mère. Elle dit, mon fils, il veut Cheikh l'Albani. Mon fils, il veut Cheikh Mohamed l'Imam. Hein, et kada, kada. Regardez la mère. Tab. Le 20e bénéfice. L'immense droit de la mère. Elle est la personne qui est le plus en droit d'être obéie. Et la plus en droit de la bonne compagnie. Il a été rapporté dans un hadith qu'un homme a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne qui a le plus le droit de ma bonne compagnie. Regardez la réponse du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On se dit salafi, ça ou là? On dit les gens de la sunna, eh, la sunna elle est là, tu la suis maintenant. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Puis qui ? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Puis qui ? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Puis qui ? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ton père. Rapporté par Al-Bukhari, 5971-71, et Muslim, numéro 2548, d'après un hadith de Abu Huraira. C'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun Alayh. Il, donc, sallallahu alayhi wa sallam, a cité la mère trois fois. Car elle est celle qui est le plus en droit et la première dans le droit à la bonne compagnie. Assis-toi que ta mère a refilé. Lui usul talata. Lui arba'in nawawiya. Lui tafsir le Coran. C'est les musulmans. Si elle n'est pas musulmane, assis-toi. Parle-lui de l'islam. Patiente. Même si elle ne veut pas t'écouter, patiente. Montre-lui l'islam, ba'da. Awalan. C'est beau de parler, mais montre-lui l'islam. Cheikh Falah Ismail, quand il était venu ici il y a 4 ans, il avait fait un superbe dar sur. Hein, la izza d'être un musulman, il avait dit quoi ? Je m'en rappelle, il avait dit « Soyez des ambassadeurs de l'islam. » Hein ? Il a dit dans certains pays, il a dit « Il y a 90% des gens en prison, c'est des musulmans. » C'est quoi cette image qu'on donne de l'islam ? Et des frères, hein, c'est la fille de terre, mais qui ne comprennent pas la religion parce qu'ils n'ont pas étudié, ils sont durs avec leur mère, ils croient que c'est ça le walal bara. Hein ? Ils croient que c'est comme ça qu'il faut être avec la mère. Certains vont même aller jusqu'à couper les liens complètement. Il a, alayhi salatu wassalam, donc cité la mère trois fois, car elle est celle qui est le plus en droit et la première dans le droit à la bonne compagnie. Car la bienfaisance que l'enfant a eue de sa mère n'est égale à aucune autre, ni même proche d'être égale à une autre. C'est pour cette raison que certains savants ont dit, il y a dans ce verset, une preuve et un témoin de la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ta mère, puis ta mère, puis ta mère. La raison de cela est qu'Allah a cité 3 degrés de bienfaisance de la mère envers son fils dans ce passage. Le premier, la maternité, ummuhu, sa mère. Le deuxième, la grossesse, hamalathu. Elle l'a portée. Le troisième, l'allaitement, wafisaluhu, son sevrage. Ces 3 degrés de la mère ne sont ni pour le père, ni pour toute autre personne qui est bienfaisant envers l'enfant. Ceci implique qu'on remette cette bonté et cette bienfaisance, et que cette bienfaisance soit réciproque, et que la mère soit la première dans la bonne compagnie. Mais il fait partie des grandes calamités que l'on voit certaines personnes recevoir cette bienfaisance continue, maternelle, puis à la fin être obéissant et doux de bonne compagnie avec d'autres. Et ça, souvent on voit ça avec les gens, masha'Allah, et à la maison, Allah al-Musta'an. D'autres qui eux n'ont pas fait le centième de ce que la mère a fait. Ils ne sont donc d'aucune bonne compagnie pour leur mère. Et s'il lui donne, il lui donne les restes ou le moindre. Est-ce de cette manière, le chéri demande, que l'on remet la bienfaisance et que l'on récompense les bienfaits? Ou pardon, les bienfaisants? C'est pour cette raison que la désobéissance à la mère fait partie des pires des péchés. Souvent, quand il y a un verset du Tawhid dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a après? Hein? Wa qadara rabbukum alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. À la fin du verset, hein? وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Allahu Akbar. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et au début aussi, avant, juste avant quoi? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Hein? Subhanallah. Comment un individu peut-il désobéir à sa mère? Alors que celle qui lui a montré le plus de bonté, de bienfaisance, et qui a le plus pris soin de lui. Hein? Et comme j'ai dit encore une fois, je répète, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Et les mères, elles respectent beaucoup ça. Hein? Elles respectent beaucoup ça. Et c'est une des plus grandes da'wah que vous pouvez faire. Hein? Puisqu'on est censé être des gens qui acceptent le haq, et qu'on tourne avec le haq là où il tourne. C'est vrai ou pas? Même s'il est contre nous. Cheikh Al-Utaymin, il a dit, السلفية أن تنتصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على نفسك. C'est que tu rendes victorieux le hadith du prophète, même si c'est contre toi. C'est ça, salafia. Mets ton nefs de côté et demande pardon. Le 21e bénéfice. الفائدة الحادية والعشرون إنما تلقاه الأم في الحمل والوضع. Combien de bénéfices, hein? On peut les compter peut-être sur la mère là et sur les parents. Beaucoup, hein? من مشقة والتعب أمر لا يلحق الابن جزاءه مهما بذل من البر والجهد. Et ça, c'est un point important à comprendre. Le 21e bénéfice, c'est quoi? Mais ce que la mère a enduré lors de la grossesse et de l'accouchement comme difficulté et fatigue ne pourra jamais être remboursé par l'enfant. Quelque effort qu'il fasse et autant obéissant qu'il soit. Tu ne pourras jamais rembourser Akhifillah. Tu ne pourras jamais rembourser Urtifillah. Le 22e bénéfice. الفائدة الثانية والعشرون. إن قرن حق الوالدين بحق الله دليل على عظيم مكانة حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله وهذا كثير في القرآن. يقرن الله سبحانه وتعالى بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين. C'est quoi donc le 22e bénéfice tiré de ces recommandations de Luqman à son fils, fait par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah? Le fait que les droits des parents soient cités conjointement au droit d'Allah indique l'important statut des droits des parents. Et encore une fois, il faut les connaître, les droits des parents. Il y a des chapitres de la sunna consacrés entièrement aux parents. Lisez l'Adamu Frad de l'imam al-Bukhari. C'est quoi le premier chapitre? C'est pas sur les parents. Hein, c'est un livre en or, ça, que chaque salafi doit avoir à la maison. Hein? Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et quels sont les droits les plus obligatoires après ceux d'Allah? Hein? Et Cheikh Rabi'a, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce point-là dans son explication lui-même de Cheikh de Surat Luqman? Hein? Ça a fermé la bouche un peu ceux qui critiquent Cheikh Rabi'a et disent qu'il est dur. Regardez le rahmat de Cheikh Rabi'a. Cheikh Rabi'a bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, il dit dans la référence précitée, c'est-à-dire le volume 2 de son Majma' al-Fatawa, page 476, les droits des parents sont les droits les plus obligatoires. Cheikh Abd al-Razzaq, il a dit après les droits d'Allah. Regardez ce qu'il dit sur Rabi'a. Après les droits d'Allah et les droits de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Directement, c'est quoi les droits des parents? Regardez. Allah azza wa jal. Les droits d'Allah. Après, quoi? Les droits du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les droits des parents. Regardez le niveau, ya ikhwa. Et ceci se reproduit à maintes reprises dans le Coran. Hein? Le fait que les droits des parents soient joints dans le même verset aux droits d'Allah azza wa jal. Le 23e bénéfice. الفائدة الثالثة والعشرون إن الشكر للوالدين يكون بالحب لهما والدعاء والبر والصلة والإحسان. Le 23e bénéfice, c'est quoi? La gratitude envers les parents s'exprime en les aimant, en faisant des invocations pour eux. Comment tu prétends, ya akhi wa ukhti fillah? Comment est-ce qu'on peut prétendre aimer nos parents, on ne fait pas dua pour eux? Et en leur obéissant, hein, n'importe quel enfant, et si vous demandez nous-mêmes, est-ce que tu aimes ta mère, ton père, va te dire bien sûr. Ouais, bien sûr, il faut bien sûr dans les actions. Hein? Et en étant bienfaisant envers eux, on sait qu'en préservant les liens de parenté. Ils lisaient les salafs comme Abdullah ibn Abbas et d'autres, comment ils donnaient le cadre aux droits de leurs parents à tel point, hein, qu'ils se comportaient d'une certaine manière avec les amis de leurs parents, même après le décès de leurs propres parents. Et je dirais pas quoi, comme ça vous cherchez un peu. Le 24e bénéfice. الفائدة الرابعة والعشرون خطورة عقوق الوالدين وأنه من أعظم الإثم وأشد اللؤم وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالها ثلاثا. C'est-à-dire quoi? Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Qalu bala ya Rasul Allah. Qala al-ishraku billah. Regardez encore une fois le premier, c'est quoi? Ashirku billah. Wa uquq al-walidain. Wa jalasa. Wa kana muttaki'an wa kana muttaki'an. Fa qala ala wa qawlu az-zur. قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. Comme j'ai dit, c'est un hadith متفق عليه rapporté par Abu Bakr. C'est donc quoi ce 24e bénéfice? C'est le danger de désobéir aux parents. Cela fait partie des pires des péchés, ya ikhwa wa akhawat. Il a été rapporté dans les deux authentiques d'après un hadith d'Abu Bakr. Qu'il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne vous informerai-je pas des plus grands péchés? Il a dit trois fois. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça fait partie du bon enseignement du prophète, alayhi wa sallam, de ceux qui le suivent, de poser des questions. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, trois fois, on a dit ça tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'il a dit cette phrase trois fois. Regardez les sahabes, ils nous ont dit, certes oui au messager d'Allah. Bela ya Rasulallah. Il dit, donner un associé à Allah Azza wa Jal. Et puis quoi? La désobéissance aux parents. Puis il s'assit, alayhi salatu wa sallam, alors qu'il était couché. Il dit, et la fausse parole. Qawl az-zur. Il y a peut-être des frères qui se posent, ils disent, shahadat zur, qawl az-zur. C'est quoi la différence? Hein? D'abord, je termine le hadith et puis je rapporterai la différence, inshallah. Il ne cessera de le répéter jusqu'à ce que l'on dise, si seulement il pouvait arrêter. Rapporté par Al-Bukhari, 2654, et Muslim, numéro 87. Une remarque donc par rapport à Qawl az-Zur. La question a été posée à Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Al-Allama, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah lui fasse miséricorde, quelle est la différence entre Shahadat az-Zur et Qawl az-Zur? Entre la fausse parole et le faux témoignage. Il répondit en disant que la fausse parole est plus générale, et que le faux témoignage est plus spécifique. Nour ala d-darb. C'est tiré de Nour al-Darb. Le 25e bénéfice. Al-fa'idatu al-khamisatu al-ishroun. Tariqatu al-ta'amuli ma'al-ab ou al-um. In kana mushrikayn ou fasiqayn. Comme a fait Qawlihi ta'ala. Là, on rapporte. Hein, peut-être que les gens ils ont chouboit. Non, ma mère, elle est pas musulmane. Hein? Ma'alish. Mon père, il est pas musulman. Ma'alish. Hein? كما في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا يطاع الأب ولا تطاع الأم إن طلب من ولدهما أن يشرك بالله أن يفعل المعصية لكن في الوقت نفسه لابد من المصاحبة بالمعروف. Le 25e, regardez le fiqh des ulama. Les parents, on va expliquer ça dans un instant. Tes parents, ils te donnent quelque chose, ils t'ordonnent quelque chose qui est interdit. Tu ne leur obéis pas dans ce point-là, mais dans le reste des choses. L'obéissance, c'est le reste. Le 25e bénéfice, la voie à suivre dans le comportement à avoir envers le père et la mère, s'ils sont des associateurs ou des pervers. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. La traduction du sens du verset, et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, regardez, chéri, va rapporter, et s'ils te forcent, malgré ça, tu te comportes bien avec eux. وَإِنْ جَاهَدَاكَ à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais, reste avec eux ici-bas de façon convenable. Ni le père, ni la mère ne doivent être obéis s'ils demandent à leur enfant de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, bien sûr. Ou de commettre un péché. Mais en même temps, il se doit de se comporter avec eux de manière convenable. 26e bénéfice. الفائدة السادسة والعشرون كمال الشريعة في دعوتها إلى حفظ المعروف ومراعاة الجميل وهذا واضح مع كون الأب المشرك أو الأم المشركة